Alors, dernier point de notre étude de Freud, on va voir sa théorie de la civilisation, sa théorie de la culture. Donc, à partir de ses idées sur l'inconscient, le refoulement, la structure de l'esprit humain, voilà, avec ses structures en trois strates, une strate pleinement consciente qui est le moi, une strate complètement inconsciente qui est le ça, et entre les deux, cette strate à demi-consciente qui est le surmoi, qui assure le refoulement, c'est-à-dire le contrôle des mauvaises pulsions, eh bien Freud y construit toute une théorie de la culture et de la civilisation. Alors, pour lui, la sociabilité, le fait de vivre avec les autres, de désirer vivre avec les autres, dans son schéma, c'est une forme désexualisée de l'instinct érotique. C'est-à-dire, nous sommes attirés par les autres individus, par les autres êtres humains, au fond parce qu'on a une forme de désir érotique, mais qui se désexualise. En fait, c'est-à-dire, je désire vivre avec les autres, ça ne veut pas forcément dire que je veux coucher avec eux, encore une fois, mais j'ai une attirance pour eux. Mais cette sociabilité, nous dit Freud, pour que nous puissions vivre ensemble, pour que ça puisse tenir, le lien social, puis qu'il puisse tenir, eh bien, ça exige des renoncements pulsionnels. C'est-à-dire que on peut pas vivre avec les autres en satisfaisant toutes nos pulsions. Puisqu'on a vu, nos pulsions fondamentales, désir sexuel, désir de mort, un désir violent, voilà, ces pulsions fondamentales, elles sont antisociales, elles peuvent être dangereuses pour la société. Et donc, la culture, elle doit se construire sur le contrôle de ces pulsions. Et sur le fait que les individus, on va les forcer à renoncer à la satisfaction de leurs pulsions. Et donc, c'est la culture qui va favoriser le refoulement, c'est-à-dire le contrôle des pulsions. Il nous dit, citons Freud, il nous suffit donc de répéter que le mot culture désigne la totalité des réalisations et dispositifs par lesquels notre vie s'éloigne de celle de nos ancêtres animaux et qui servent à deux fins, la protection de l'homme contre la nature et la réglementation des relations entre les hommes. Lui, voilà, bon, on vit ensemble parce que bon, on a ce désir, cette sociabilité qui nous pousse à vivre ensemble, mais c'est aussi parce que il faut pouvoir nous protéger, satisfaire nos besoins. Et à partir de cela, pour que ça tienne, on a besoin de structures collectives qui vont forcer les individus à contrôler leurs pulsions. Et donc plus la société va se développer, plus il va falloir que les individus refoulent leurs instincts, qu'ils répriment leurs pulsions. Et donc plus la société va se développer, plus la culture va devoir être exigeante envers les individus. Plus les individus vont devoir renoncer à leurs pulsions. Et donc Freud nous dit, la morale, la religion, elles vont jouer un rôle à l'échelle de la société, dans l'éducation des enfants, en vue d'inculquer aux individus des interdits pour qu'ils répriment leurs pulsions. Et donc, c'est à partir du modèle familial qu'il a décrit dans le complexe d'Œdipe que Freud va expliquer la naissance de la société. Il nous dit, l'origine, la première société, les premières formes de société, c'était des hordes originaires, hein, voilà, des hommes préhistoriques, et bien dans lesquels il y avait un père tyrannique, le père tout-puissant, voilà, qui possède les femelles et qui interdit à ses fils d'avoir les femelles. Voilà, c'est un peu la tribu animale. On n'est pas encore l'être humain. On a une tribu animale. On a un père tout-puissant et ses fils qui sont jaloux parce qu'ils voudraient avoir les femelles pour eux et ils sont obligés de se soumettre au père. Il nous dit, bah, la naissance de la société, elle part de quoi? De la société humaine. Elle part du fait que les fils, qui pendant longtemps sont opprimés par leur père, ils décident un jour de s'unir, de se coaliser contre leur père, et ils le tuent, ils le dévorent afin de s'approprier leur force. Et donc, Freud nous dit, il y a ce crime originaire à la base des sociétés humaines. Les sociétés humaines, elles naissent d'un crime, c'est l'assassinat du père tyrannique de la horde originaire. Et ce crime originel, il n'est pas resté impuni. Voilà, je cite Freud, hein, c'est un texte qui s'appelle Totem et Tabou, dans lequel voilà, il décrit comment les sociétés humaines se seraient fondées. Les fils haïssaient leur père, qui faisait si puissamment obstacle à leurs besoins de pouvoir et à leurs exigences sexuelles, mais ils l'aimaient et l'admiraient aussi. Une fois qu'ils l'eurent éliminé, qu'ils eurent satisfait leur haine et furent parvenus à s'identifier à lui, l'émotion tendre qui avait été violentée ressortir nécessairement. Ça nous dit, voilà, bon, les fils, ils étaient opprimés par leur père, mais en même temps, donc ils l'ont tué pour pouvoir refonder une nouvelle société, mais en même temps, ils l'aimaient quand même. Donc, ils éprouvent ce sentiment de culpabilité. Donc, rongés par le remords et craignant de retomber dans la violence qu'ils avaient eue envers leur père, et craignant que cette violence elle n'intervienne entre eux, eh bien, ils ont posé le premier interdit social, l'interdit du meurtre. Il nous dit l'interdit du meurtre, il vient de cette fondation, alors qui est plus ou moins mythique, bon, c'est un peu difficile de savoir quel est le statut de ce mythe que raconte Freud, ce mythe du meurtre du père originel. Eh bien, on pose l'interdit du meurtre, on n'a pas le droit de tuer un autre être humain, et ça va être la première règle à partir de laquelle toutes les autres règles sociales vont être construites et vont obliger les individus à réprimer leurs pulsions. Et donc, du souvenir de ce père originaire assassiné, eh bien, c'est formé l'image qui se perpétue au travers du dieu, en fait. On dit, en fait, cette idée d'interdit, elle vient de la figure du dieu primitif, qui s'est transmise au fil de la culture. Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de ce père originaire qui a été sacrifié, ce père qui était castrateur, hein, c'est-à-dire qui interdisait la sexualité à ses fils, qui était dominateur, ce père qu'on a tué, eh bien, son souvenir se conserve à travers l'image de Dieu, et cette image du Dieu qui nous surveille, et qui crée en nous un sentiment de culpabilité lorsque nous sommes tentés de désobéir à ses lois. Et donc, au travers de ce mythe, Freud, il insiste sur l'idée qu'il y a une violence originelle à la fondation des sociétés, une violence originelle qui a dû être réprimée, contenue, par l'imposition d'interdits. Et donc, il nous dit, au fond, voilà, les êtres humains, ils sont intrinsèquement violents, ils ont des pulsions hostiles, des pulsions violentes, et donc, ils ne peuvent vivre ensemble que parce qu'il y a des règles sociales très strictes qui les contraignent à réprimer leurs pulsions. Bon, bien sûr, bon, c'est cette théorie hein, qui est un petit peu surprenante. Bon, elle a été assez critiquée, d'autant que bon, on dit cette image du dieu, elle correspond pas forcément à ce que montre l'anthropologie et la paléontologie, notamment parce qu'on se rend compte que dans les premières formes de divinité, il y a beaucoup de divinités féminines, alors que Freud a l'air de nous dire que les premières idées de Dieu, elles sont formées à partir d'une image du père tyrannique. Ce serait ça la première idée de Dieu, c'est l'idée d'un Dieu castrateur, dominant, qui est en fait l'image du père tyrannique. Ça ne correspond pas exactement à ce que nous dit l'anthropologie. On voit que les plus anciennes formes de divinité sont souvent des divinités féminines, hein, c'est la divinité matricielle, hein, c'est souvent des femmes avec des formes très généreuses, donc c'est un peu la mère de tous les hommes. Donc bon, cette idée d'un dieu fondamental, originaire, qui était un père tyrannique, ça correspond peut-être pas exactement à ce que nous dit la paléontologie. Bon, ce qu'il faudrait retenir de cette idée, c'est que au fond, les sociétés, elles peuvent tenir grâce à la répression d'un certain nombre de pulsions. Parce que si les individus laissaient libre cours à leurs pulsions, eh bien, ils se battraient, ils ne pourraient pas vivre ensemble. Et donc, la société, elle a besoin de créer des règles de plus en plus strictes, parce que plus elles sont complexes, plus il faut des règles aussi strictes pour contrôler les pulsions. Et c'est ça qui permet aux hommes de vivre ensemble. La société repose sur un refoulement. Donc on a vu que le refoulement, ça se jouait au niveau individuel, mais ça se joue aussi au niveau collectif. Hein. Pour Freud, il y a une continuité entre le niveau collectif et le niveau individuel, et que finalement, la structure de l'inconscient individuel, elle est maintenue hein, par des mécanismes collectifs. Bien sûr, le refoulement, ça se joue au niveau de l'individu. L'individu refoule involontairement des mauvaises pulsions, mais ce refoulement, il est facilité par des règles collectives, par les règles de la culture qui se perpétuent de génération en génération, qui se complexifient aussi avec le développement des sociétés et qui favorisent le contrôle des pulsions.